vieux souvenir, de frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Vieux souvenir. J'ai tant versé de larmes, j'ai si longtemps souffert, qu'un jour, lorsque mon cœur à tes yeux s'est offert, saignant sous le couteau de sa douleur amère, étant bonne avant tout, tu m'as pris en pitié et voulu consoler d'une douce amitié, ainsi que l'aurait fait ou ma sœur ou ma mère. Mais bien en vain, hélas, ou ma mère ou ma sœur auraient pensé calmer le flot envahisseur qui m'emportait meurtri dans l'affreuse tourmente, et pour mettre une digue à mes pleurs apaisés, il fallait ton regard, de doux mots, des baisers, et les frémissements de la main d'une amante. Tu l'as compris, amie, et te penchant vers moi, je te vis, n'osant presque y croire et plein d'émoi, essuyer dans tes cils une larme bénie, et ta voix, timbre d'or, me murmura tout bas, « Enfant, qui croit souffrir seul et qui ne voit pas qu'on se meurt avec lui d'une même agonie. » J'entendis, à demi, bien d'autres mots encore, et je vis l'avenir comme un riche décor, et je crus posséder le secret de la vie. Mais le bonheur fuit vite et, depuis, oublié, sous le même fardeau je vais toujours plier, car jusqu'en tes rigueurs mon regret t'a suivi. Il ne faut qu'un éclair pour révéler les cieux, de même pour le cœur. Un jour délicieux, un seul instant d'amour charme une existence, et tu me l'as donné, toi, ce suprême instant. Et moi qui souffre tant, et moi qui pleure tant, j'éprouve du bonheur dans ma douleur intense. Pour revivre ce jour, je veux fermer les yeux. Te chérissant de loin, je te chérirai mieux, car l'esprit n'est jamais rassasié d'extase. Avec la même ardeur toujours je t'aimerai, et veux mourir avec mon beau rêve éthéré, qui flotte autour de moi, plus subtil que la gaze. Poète, dans mes vers, j'évoquerai ton nom, le bénissant toujours, car si l'espoir dit non, le souvenir dit oui, le souvenir fidèle. À ceux qui me plaindront ou qui m'auront blâmé, je dirai simplement « Avez-vous donc aimé? Êtes-vous donc poète? Êtes-vous digne d'elle ?» Fin de « Vieux souvenirs » lu par Ezois, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public.